Chapitre 12. Que faut-il pour être chrétien? Dans les derniers chapitres, j'ai souligné que le salut est un don gratuit que nous ne pouvons pas mériter. Mais je ne veux pas que vous pensiez que parce qu'il est gratuit, il est sans valeur. Il a coûté très cher à Dieu de l'offrir, et Jésus nous avertit à plusieurs reprises qu'il peut aussi nous coûter quelque chose. Voici un exemple de ce que je veux dire. Quand Jésus vit la foule autour de lui, il donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Alors un docteur de la loi vint à lui et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Un autre disciple lui dit « Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Puis il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, une violente tempête s'abattit sur le lac et les vagues envahissèrent la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples allèrent le réveiller en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons nous noyer. » Il leur répondit « Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous si peur ?» Puis il se leva, réprimanda les vents et les vagues, et le calme revint. Les hommes furent stupéfaits et demandèrent « Quel est donc cet homme ? Même les vents et les vagues lui obéissent. » Matthieu 8, 18 à 27. Remarquez la réaction surprenante de Jésus face à la foule attirée par son ministère. Il monta dans une barque et fit clairement comprendre qu'il avait l'intention de traverser le lac. Cela semble avoir été une sorte de test. Il voulait voir à quel point les gens étaient sérieux dans leur désir de le suivre. Et cela a clairement fonctionné, car certains ont commencé à avoir des doutes. Un professeur de droit, par exemple. Jésus semble avoir vu un certain danger dans son désir affiché de devenir disciple. C'était un professionnel riche qui possédait une grande maison confortable. En suivant Jésus, il risquait de se retrouver sans domicile. Comment allait-il réagir à cela? La sécurité financière était probablement aussi un problème pour le disciple potentiel qui demande à Jésus un peu plus de temps. Son père était âgé et il voulait s'assurer d'obtenir son héritage avant de quitter la maison. Quand on y réfléchit de manière pratique, l'argent et la famille ne sont pas les seules choses qui peuvent empêcher de s'engager sans réserve auprès de Jésus. Imaginez un instant un jeune couple dans la foule qui se presse au bord du lac. Ils sont amoureux, mais Jésus monte dans un bateau. Soit-il qu'ils montent tous les deux avec lui, soit-il qu'ils restent tous les deux sur le rivage, ou soit-il qu'ils se séparent. Lorsque le bateau est parti, il n'y avait qu'une poignée de disciples avec lui, principalement d'humbles pêcheurs. Il n'est pas nécessaire d'être instruit, riche ou célèbre pour être chrétien. Il suffit de donner la priorité à Jésus, c'est tout. Mais cela implique toujours un sacrifice, quelle que soit votre situation. Je suppose que ceux qui ont décidé de rester sur le rivage se sont rapidement sentis justifiés lorsqu'ils ont vu la tempête qui s'est soudainement levée et a englouti le petit bateau. Quelle chance de ne pas être parti avec lui, ont-ils dû se dire. Suivre Jésus n'allait clairement pas être une croisière de luxe. Au contraire, les choses allaient être imprévisibles, inconfortables, voire dangereuses. Et comme ils se seraient sentis trompés, s'ils avaient été là pour voir Jésus dormir pendant qu'il tremblait à l'idée d'une tombe aquatique. Mais en réalité, ceux qui étaient à bord n'avaient aucune raison d'avoir peur, car ce petit bateau, ballotté par la tempête, était indestructible. Il y avait à son bord quelqu'un qui n'avait qu'à parler pour faire taire le vent et calmer les vagues. Oui, monter dans le bateau avec Jésus a un prix à payer, mais cela signifie aussi l'aventure. Nous pouvons être confrontés à l'adversité, à des défis, voire à la mort. Nous aurons certainement besoin de foi. Mais ce sont ceux qui choisissent la sécurité du rivage qui courent le plus grand risque et, à la fin du voyage, ils se retrouveront perdants. Maddy, Easy, je veux être très honnête avec vous sur ce qu'il faut pour être chrétien. Il est tentant de brosser un tableau idyllique, mais ce ne serait tout simplement pas vrai. Je sais par expérience qu'être chrétien, c'est souvent choisir le chemin le plus difficile dans la vie. Une phrase prononcée par Jésus à la fin de son célèbre sermon sur la montagne m'est toujours restée en mémoire à ce sujet et a considérablement influencé mes propres choix de vie. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte et ardu est le chemin qui mène à la vie, et rares sont ceux qui le trouvent. » Matthieu 7, 13 à 1. Peu après être devenu chrétien, j'ai eu l'occasion de voyager à l'étranger pour le travail. Cela signifiait vivre dans un pays étranger, dont je ne connaissais pratiquement pas la langue, et travailler sur un projet pour lequel j'avais très peu d'expertise. Au début, je me sentais très seul et vulnérable, un peu comme certains de ceux qui étaient dans le bateau avec Jésus lorsqu'ils ont quitté le rivage. J'ai vraiment dû abandonner ma peur et faire confiance à Dieu. Et tu sais, très vite, j'ai commencé à apprécier ce changement dans ma vie. Ma nouvelle relation avec Dieu m'a donné une sorte de résilience dans cette situation. Je me suis adapté à la culture étrangère avec une facilité remarquable. Je me suis fait plusieurs très bons amis. Et j'ai assez rapidement acquis l'expérience dont j'avais besoin pour faire mon nouveau travail avec confiance et efficacité. Plus inattendu encore, j'ai rencontré votre maman, Ingrid. Ainsi, l'épreuve que je redoutais s'est transformée en une merveilleuse aventure. C'était comme si Dieu savait que j'avais besoin de quelqu'un dans ma vie pour partager ce voyage effrayant avec moi. Tout a changé. À partir de ce moment-là, nous nous sommes mariés. Nous avons voyagé ensemble et nous avons eu deux belles filles. J'ai appris que, même si accepter que Dieu contrôle ma vie pouvait entraîner de grands changements qui semblaient menacer ma sécurité, si je lui faisais confiance, je pouvais compter sur lui pour me bénir. Cette leçon s'est renforcée lorsque nous sommes revenus de la France en tant que jeune famille pour vivre à Sydney, en Australie. Ce fut une période beaucoup plus difficile pour moi personnellement. Ma foi grandissait, mais j'étais de plus en plus tenté par le désir d'avoir plus de richesse et de confort. J'ai consacré beaucoup trop de temps et d'énergie à l'ambition avide de gagner de l'argent. Malheureusement, comme vous le savez, cela a conduit à l'échec de notre mariage. Je me concentrais égoïstement sur mon besoin d'être aimé et épanoui dans la vie, alors que le défi que Jésus m'avait lancé était d'apporter l'amour de Dieu dans ma relation avec Ingrid et vous, les filles. Ce fut une leçon très difficile à apprendre, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Il ne le fait jamais. Il ne nous met jamais à l'épreuve au-delà de nos capacités, car son objectif est toujours de nourrir notre croissance spirituelle. Peu à peu, j'ai repris mes esprits et j'ai réalisé que je devais à nouveau mettre Dieu au premier plan dans ma vie. Il m'a donné une seconde chance avec Carolina et maintenant, il a remporté la victoire sur la cupidité matérialiste qui était en moi. Je me contente des nombreuses bénédictions dont je bénéficie en tant que son enfant, qui dépassent de loin toutes les richesses du monde. Si vous décidez de monter dans le bateau avec Jésus, comme je l'ai fait, je vous promets que vous aurez besoin de courage et de détermination. Même les plus grands chrétiens échouent parfois à l'épreuve. Prenez par exemple le disciple Pierre, qui est devenu plus tard le chef de l'église naissante. La nuit où Jésus a été arrêté, il a nié le connaître, non pas une fois, mais trois fois. Vous pouvez trouver l'histoire dans Marc 14. Mais même une trahison aussi lamentable n'était pas une disqualification permanente. À ce moment-là, bien que Pierre ait protesté de sa foi et même de sa volonté de mourir pour Jésus, il a fait un vœu au-delà de ses forces, car il n'avait pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Quelques semaines plus tard, le jour de la Pentecôte, voire acte 2, il est devenu un homme très différent, plein de témoignages courageux. En fait, il a finalement donné sa vie en tant que martyr chrétien. Ne vous laissez donc pas décourager par la peur de l'échec. Monter dans la barque avec Jésus peut être le début d'un voyage difficile et mouvementé. Parfois, notre foi peut être mise à rude épreuve par des circonstances défavorables, jusqu'au point de rupture. Mais Dieu ne nous abandonnera jamais, même si nous avons envie de l'abandonner. Il nous guidera en toute sécurité à travers les tempêtes de la vie, utilisant le vent et les vagues pour nous enseigner les leçons de foi qui sont essentielles si nous voulons être de véritables disciples de Jésus.